virer entre potes. C'est le week-end. Je retrouve mes potes toxicos de Mexico, des bandits repentis. On se retrouve chez Gérard, qui était tolard à cause d'une sale histoire de dollars. Il attrape sa bouteille de pinard avant de placer ses rejetons devant un feuilleton. Ils montent tous les quatre dans mon 4x4, je pousse le son à fond. On fait une pause, on pique une tête, j'improvise un plongeon depuis une falaise. Une fois arrivé à bon port, on découvre, parmi le décor, des corps physiquement menaçants. L'excursion s'obscurcit, notre vie est en sursis, notre chance de survie s'assombrit. On se retrouve nez à nez avec un kickboxer québécois et un catcheur de l'Illinois. Ces excités ont des idées plus noires que leurs moustaches. Je me sens stressé, pressé, oppressé. On progresse en terrain difficile, on arpente des pentes vertigineuses. Le dénivelé est abrupt, nos ennemis sont des brutes. Fear leaves us. Ils ont plus d'un tour dans leur sac qui prépare un massacre. Ces bipèdes taillés comme des maçons éveillent des soupçons. Ils font régner la terreur par des opérations criminelles. Ils ne font pas dans la dentelle. Ils sèment le trouble, ça s'abat comme la foudre. Ils créent des embrouilles mais ils brouillent les pistes. En un éclair, on se tatoue des cicatrices factices. Animés d'une humeur martiale, ils débutent par du Krav Maga. Sur ce coup-là, les éclats ont troqué ma langue de bois pour une jambe de bois. Mes proches sortent de leur poche des allumettes et on récupère par terre des arbalètes, des mitraillettes. L'éventail de notre attirail les assaille, je t'épargne les détails de la bataille. Je me sens stressé, pressé, oppressé. On progresse en terrain difficile. On arpente des pentes vertigineuses. Le dénivelé est abrupt. Nos ennemis sont des brutes. Fear leaves us. Arrivé au sommet, on se fait assommer. On doit se soumettre. Des étrangers sortent des tranchées pour nous trancher. Ces aborigènes nous entraînent vers un grand chêne. Sans gêne, la tribu se déchaîne. Avec hargne, ils s'acharnent. On part encore au corps à corps et on perfore leurs cordes. À l'aide de cornes attachées à des cordes. Angoissés, des disciples se dissipent et s'échappent de leur discipline. Cependant, un hippie avec des épis nous épie et nous lance des épines. C'en est trop pour Philippe qui flippe et file aux Philippines. Notre mental est en acier inoxydable, on évite les bavures. On parcourt l'équivalent de 10 marathons à vive allure. Rien ne nous arrête, cependant ma sacoche s'accroche à une roche. Heureusement le gardien posté sur le mirador dort. Je me sens stressé, pressé, oppressé. On progresse en terrain difficile, on arpente des pentes vertigineuses. Le dénivelé est abrupt, nos ennemis sont des brutes. Fear leaves us. Je pose la main sur un étrange losange et le sol s'effondre. On tombe dans un enclos entouré de 3 Doberman affamés, enfermés dans 3 mètres carrés. Au point stratégique, au moment fatidique, addict aux tactiques fantastiques, mes 4 acolytes alcooliques posent du C4, les 4 verrous éclatent. On sort entier de cette épreuve délicate. Par la suite, des phares tirent à l'arc depuis un parc, donc on embarque dans une barque. On réfléchit à une stratégie en kayak, car il n'y a que dans ce lac qu'on est à l'abri d'une éventuelle attaque. On s'éloigne de l'atmosphère torride dans un solide bolide. Même le ciel s'assombrit. D'un côté, c'est la fin de la journée, c'est la fin de la durée.